l'heure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Iri, on se retrouve pour Hind à Brezonek. Quentel Perhand à Gonon. Pemkon à Gonon. Oh, je reprends. Quentel Pemkon à Gonon. Pemkon 501. On voilà. a fait un peu la fête la dernière fois. Voilà, pour la 500e, et là on repart pour une nouvelle série. De 500 peut-être. Donc aujourd'hui, alors un mot qui est à la fois un nom propre et un nom commun, selon l'emploi qu'on en fait. On avait traité roué il n'y a pas très longtemps, et roué ça rime avec doué. Et donc j'ai pensé traiter ce mot doué, quoi. Surtout qu'il y avait certains rois qui se prenaient quand même pour des dieux un peu. Oui, bah oui, le roi Soleil par exemple. Hein. Et puis c'est une tendance assez générale, oui. Donc c'est un nom masculin qui est employé donc comme je l'ai dit comme en nom commun ou en nom propre. Alors c'est une vieille racine indo-européenne qu'on trouve dans beaucoup de langues. Hein. Deos par exemple en gaulois. Dans les langues celtiques, hein, toutes les langues celtiques ont un mot à peu près semblable. En latin, deus. Alors, en latin, c'est deus, mais comme il y a une déclinaison en latin avec différents cas, on va trouver aussi deo, dei, hein, voilà, selon la position dans la phrase. En grec, théos, hein, théos qui a donné, par exemple, la théologie, la science. Ou l'apothéose. Oui, oui. J'ai appris ça dernièrement. Ah oui, apothéose, oui. Voilà, et athée aussi, hein, sans Dieu, quoi. Voilà, disou est en breton. Hein. Alors donc c'est un mot religieux, le mot religieux par excellence, hein, mais qui est employé aussi dans le langage courant sans y penser. Par exemple, quand on dit mon Dieu, hein, en français, ou madoué, hein, madoué binigne, hein, ou my God en anglais, quoi. Hein, c'est une expression comme ça spontanée, quoi. Qui est bien sûr lié à la religion au départ, mais qu'on emploie sans y penser, quoi. Voilà. Alors en breton, il est souvent précédé de autrou, notre ou doué, hein, monsieur. Hein, alors c'est difficile à traduire, ou seigneur. Hein, c'est un peu l'équivalent de dominus en latin. Hein, on retrouve la même forme. Hein, par exemple, on va dire autre doué au pétrué. Hein, c'est le kyrie. Hein, le kyrie, c'est du grec. Hein, alors là, mais... j'ai pas compris. Il va falloir reprendre. Autre doué au pétrué, Seigneur, ayez pitié. Hein, Seigneur, Dieu, ayez pitié. Voilà. Alors, bon, on sait que dans la religion chrétienne, c'est un Dieu unique, mais en trois personnes. La Trinité. Hein, bon, voilà. Alors. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Oh, bah, t'as des lettres. Hein. C'est le trèfle celte aussi, non? Oui, oh, bah, le trèfle c'est... des Irlandais. Oui, qui est pas un trèfle d'ailleurs, qui est un anoxalis. D'accord. Le shamrock, oui. Mais certains disent que ça vient de la Trinité. Oui, c'est possible, oui, c'est possible, oui. Bah, le chiffre 3 a beaucoup de signification, hein, donc, c'est pas certain que ça vienne directement de là, mais enfin, c'est vrai que. C'est un symbole d'unité dans la diversité, en fait. Voilà. Alors, beaucoup d'expressions avec Dieu, hein, comme je l'ai dit, hein, Madou et Binigut, Nang de Zoué, hein, au nom de Dieu, hein, qui est un juron aussi en français, un nom de Dieu. Hein. Mais Nang de Zoué, c'est pour une demande, pour une prière, hein, voilà. Alors, alors j'ai parlé tout à l'heure de athée, hein, donc en breton disou, et là il y a une mutation adoucissante après di. Hein, voilà. Alors le mot lui-même a des pluriels qui sont sous l'influence du christianisme qui sont pas tellement employés puisque des dieux, hein, douéet, hein, ou douéou. Hein, donc on trouve quelques traces comme ça quand même, comme par exemple dans la chanson Apollon Mercurius. Vénus à Jupiter, hein, que chantent les frères Morvan, qui est une très longue chanson. Apollon Mercurius, Vénus à Jupiter, sur un air de danse ficelle. Hein. Voilà, qui a été écrit par un clerc qui avait des lettres, hein, et qui étale un peu sa science. Hein. Voilà. Autre expression, alors, doué en tot, hein. Alors, pour les trois personnes, hein, doué en tot, ma, bagusperet santel. Voilà. Membre de Zoué, hein, là encore avec la mutation, la mère de Dieu, hein, très très répandue, hein, surtout en Bretagne, hein, où le culte marial est important. Membre de Zoé, il y a la membre Gauze aussi, Sainte Anne. Hein. Voilà. Alors, pourquoi tu ris, Henri ? Non, parce que j'aime bien cette histoire de famille, quoi, la mère et la grand-mère. Voilà, le tas de causes, on n'en parle pas beaucoup, mais Saint Joachim, voilà. Doué d'Opinigo, hein, que Dieu te bénisse. Hein. Il y avait à Trémargat, il y a Doué d'Opay aussi, hein, que Dieu te paye, enfin, te récompense. À Trémargat, le sacristain disait, quand il faisait la quête, Doué à Sant Veltas d'Opeo. Que Dieu et Sainte Veltas te remboursent en quelque sorte, quoi. Hein. Mais c'était dit, comme il le disait à chaque personne, c'était dit très rapidement, on ne comprenait pas trop, c'était un peu bougonné, quoi, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Notre Oudou et Gannard, hein, c'est Dominus Vobiscum, hein, en latin. Voilà. Oui, alors, Trémargat, là, j'en ai parlé. Dans certaines expressions aussi, hein, par exemple, Peler Madou et Echom, où mon Dieu est-il resté, quoi. Traîné. J'ai dit traîné. Ça peut être traîné. Pler Madou et Echom, hein. Mais ça marche avec le diable aussi, hein. Pler en Dieu et Echom, là. C'est un peu le même sens, hein. Voilà. Alors des animaux aussi qui sont comment des symboles, hein, par exemple Enigenotroudou, et c'est le rouge-gorge, hein. Voilà. Eligdou et la libellule, hein, on dit Nadozer aussi, hein. Bjorigdou et la coccinelle, hein. La petite vache. Ouais, c'est mignon, ça. La petite vache de Dieu, oui. Voilà. Il y a aussi le douéique, hein, le petit dieu, c'est le roitelet. Alors on voit, hein, la liaison entre roué et doué. On dit l'ouénan aussi, hein. Donc douéique, le roitelet. Hein. L'adjectif divin, c'est douel, hein, douéel, hein. Voilà. Et puis, on va dire que il y a aussi comme expression doué ol haludus, hein, Dieu tout puissant, qu'on trouve dans les prières, dans les hymnes, hein, voilà. Oui, alors je voulais dire aussi ondendoué, hein, un homme de Dieu, où il y a guasdoué aussi qui a donné un nom de famille, hein, l'homme de Dieu, ouais, qui sert Dieu, quoi, en fait, hein. Voilà. Des jurons. Alors j'ai dit tout à l'heure, ou je n'ai pas dit plutôt, faith de m'doué, hein, la foi dans Dieu, dans mon Dieu, qui a donné le juron fi de m'doué. Ah mais c'est vrai, celui-là on l'entend beaucoup. Ah, oui. Je savais pas qu'est-ce que c'était. Ouais, ça vient de là, faith de m'doué, faith de m'doué qui a donné fi de m'doué. Il a très bien chanté ça, fi de m'doué, il a très bien chanté ça, fi de m'doué ya. On entendait ça beaucoup dans les repas autrefois, quoi. Voilà, ce serait à remettre à l'honneur. Hein. Toujours dans des mots dérivés, hein, douéronius, qui est donc la théologie. Hein. Voilà. Et ben, je pensais terminer sur Fidem Doué, ben voilà, c'est fait. Fidem Doué, ya. Allez, on passe à la seconde partie, Brézonnec en m'attende. Thank you. raison, Nec. Tom, ma Tom. Et ce n'est pas un dialogue aujourd'hui, Henri, que nous allons voir, mais c'est plutôt la présentation d'une personne importante dans le pays. Oui, parce que chaque année, il y a l'opération Printemps des poètes. Et je me suis dit de... Bon, j'avais parlé de Guy Thorel, l'autre fois, Claude Guy Thorel. Et je me suis dit que ce serait bien d'en parler d'un autre. Donc, c'est Jean Mainen, hein, de Lanrivain. Enfin, il n'est pas de Lanrivain, on va voir ça. Jean-Marie Le Nindre, hein, donc, qui est un personnage haut en couleur, qui a écrit beaucoup de chansons, dont certaines sont conservées. Il y en a à Dastum, il y a 22 chansons dont le texte est conservé, des chansons sur feuilles volantes. Et puis, il y a beaucoup d'enregistrements de chansons de Jean Mainen. Donc, oui, je disais qu'il était... connu surtout à Lanrivain parce que il a habité au Grand Launay un peu moins de 20 ans. Et donc, c'est surtout de la période passée au Grand Launay, pendant cette période-là, qu'il a écrit des chansons. Et beau manoir de Jean Chalit. Voilà. Où il y a le jardin autour, quoi. Voilà. Le manoir où est née mon arrière-grand-mère. Mais, enfin, même plus, c'est la grand-mère de mon grand-père. Mais ça n'a rien à voir avec Jean Mainen. Enfin, si, un peu quand même, puisque c'était une ferme qui était louée et l'habitation, c'était le manoir. Et le propriétaire venait dans la maison à côté pour la chasse en particulier, quoi. Donc les fermiers habitaient dans le manoir, oui. Voilà. Alors, Jean Mainen, donc... Dont on chante encore des chansons, comme en particulier la dispute entre un Cornouaillais et un Trégorrois. Je la connais, celle-là. Oui, au marché de Guingamp. Au marché de Guingamp, voilà. Qui fait 260 vers, mais dont on chante en général une cinquantaine. Ils vont boire un coup dans un bistrot. Voilà. Et là, il y a donc un dialogue entre un Trégorrois et un Cornouaillais. Voilà. Et donc ça, c'est une chanson de Jean Mainen. Donc, alors il y a eu un article dans le cahier d'Astume numéro 5 sur le Brofange en 1978 et un article dans Musique Bretonne le numéro 243 en avril 2015 qui est plus complet parce qu'il y a eu des recherches depuis, des recherches en particulier par des gens du Centre Généalogie 22, hein, Claudine Guéguin, Annick Morellec et Yves Troidec. Qui ont retrouvé le cours de la vie, hein, de ce poète, hein, et chansonnier. Alors maintenant on sait qu'il était né le 28 juin 1938 à Lavaquer en Beaubriac et qu'il était le deuxième d'une fratrie de cinq. Donc on sait qu'il a été scolarisé puisque il écrivait aussi bien en français qu'en breton, hein. Et donc, sa famille ensuite est partie à Kerien, hein, et lui-même, donc son père est mort assez jeune, si bien qu'à l'âge de 16 ans, il s'est retrouvé le chef de famille, en quelque sorte. Et donc, avec sa mère, Marianne Cadieu, et ses deux frères, il exploitait une ferme qui se trouvait à Gouernemanach, en Kerien, un village qui est abandonné aujourd'hui, pas loin du relais ernzien, là. Voilà. Donc, par la suite, donc, il est parti au Grand Launay, hein, donc, en 1871. Et là, il a... Donc, il est né en 1838, j'avais entendu 1900. 1838, oui. Et donc, il est parti, il s'est installé au Grand Launay. Sa femme est morte en 1873, au mois de mars 73. C'est pour ça qu'on l'a appelé Intenve Vernevras, hein, le veuf du Grand Launay. En fait, il n'est pas resté longtemps veuf, puisque 8 mois après, il s'est remarié, donc avec une dame de plus de 40 ans, dont il n'aura pas d'enfants, mais qui va l'aider à élever les 6 enfants qu'il avait eus de sa première femme. Voilà. Alors, il s'est retiré, il est mort en 1913. Bon, les gens qui voudront aller plus loin pourront lire l'article dans Musique Bretonne. Il est mort à 74 ans, le 18 janvier 1913. Alors son œuvre, bien sûr, n'est connue que partiellement, parce que, c'est en grande partie de la tradition orale. Il y a pas mal de chansons quand même, et ça c'est intéressant, qui ont été imprimées sur feuilles volantes, dont la fameuse dispute, hein, « Dispute entre guerria daga hernevat ». Il a écrit aussi, par exemple, des chansons comme « Mère de la Rune », hein, des chansons à la gloire des filles de l'Henri Vin, « Mère de Saint-Nicolas hein, », sur un air de ficelle. Hein. « La la la la la la la la la la la léno », qui figure dans le disque de Marcel Guyouz, hein, qui est une chanson très poétique, hein, sur ses amours de jeunesse, hein, et sur Saint-Nicolas. Et puis il a écrit aussi « Varne Générale », donc qui a été enregistré par René Richard chez Arne Maïpennec de Pemrit, ici, qui connaissait intégralement « Varne Générale », sur le jugement dernier, quoi. Voilà. Donc, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est un peu une présentation rapide de Jean Maïtenen, et voilà, qui est un peu une figure de l'Henri Vin, puisque c'est quand même surtout de l'Henri Vin, à l'Henri Vin qu'il est connu, quoi. Retrouve Henri pour Henta Brezonek. On approche du chiffre fatidique de 500, mais pas tout à fait. C'est la 499e émission. Comment on dit ça en breton ? Et on va commencer, comme d'habitude, par Brezonek Tom à Tom. Voilà. Alors aujourd'hui, un mot qui ressemble au français, hein, et qui, c'est normal puisque c'est venu du latin, c'est respond. Respond, hein, qui est à la fois un nom masculin et puis un verbe. Alors, respond, hein, R-E-S-P-O-N-T, hein, donc nom masculin, donc du latin populaire respondere. Donc en latin, c'est un D. Et d'ailleurs, en breton, le T final se prononce D. D'ailleurs, il y a des... Ouais, oui, le T final se prononce souvent D en breton, quoi. Et certains voudraient qu'on l'écrive avec un D, ce qui serait plus logique. Peut-être que ça se fera un jour. On verra bien. Par exemple, quand on va dire « ne me responde de bête hein, », on entend bien le D. Hein. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Donc, le mot masculin « responde » veut dire la réponse, la réplique, hein, ou la riposte. Hein, voilà. « Gotazorana responde », j'attends la réponse. Hein. Alors, ça peut être une réponse, par exemple, par écrit ou par oral, hein, respondre scrit ou respondre gums. Voilà.